Audiomatique. La transmission 023 d'Audiomatique prenait son élan avec la formation canadienne Noise Unit et la pièce Illicit Dreams, tirée de l'album Voyeur, paru en 2005. Noise Unit est en fait un des nombreux projets parallèles de la bande à Bill Leeb, dont le projet principal est Frontline Assembly. Sur l'album Voyeur, Bill Leeb est accompagné de Chris Peterson pour la composition et la production, et sur la pièce Illicit Dreams, ils ont collaboré plus particulièrement avec Jeremy Inkle de Left Spine Down et Craig Joseph Huxtable de Landscape Body Machine. Au cours des prochaines minutes, se déploieront des sonorités synthétiques, traitées et séquencées, parfois accompagnées de sons organiques ou d'instruments acoustiques. Telles se présentent chaque semaine les transmissions de l'émission Audiomatique. Puisant à travers les époques et dans tous les genres et les sous-genres, les électronistes se font un devoir de parcourir et de vous faire découvrir quelques-unes des innombrables compositions qui constituent cette inépuisable source de plaisir qu'est la musique électronique. Entre autres points d'intérêt auditif ce soir, vous pourrez entendre dans la deuxième partie de cette émission une des premières créations de l'artiste Masami Akita et son projet Merzbow, ainsi qu'une version totalement éclatée de la pièce Closer de Nine Inch Nails, gracieuseté de la formation Coil. Mais pour l'instant, écoutons sans attendre le groupe montréalais Automélody qui nous offre Vacances à Maori. Tout I'm gonna Je ne suis jamais considérée comme rebelle. Le terme même me fait sourire. Le danger intervient lorsqu'on ne respecte pas l'autre. En tout cas, il est capable de gérer ce démon de l'intérieur. Et son nom, c'est Buffalo Bill. La séquence se concluait sur la musique de Neon Electronics. Nous écoutions Buffalo Bill, une pièce tirée de son deuxième album System Riviera, sorti en 2003. Neon Electronics, c'est le projet solo de Derek Timmermans, mieux connu pour sa participation à la formation électro-rock belge de Neon Judgment. Avant cela, on entendait Essex, le projet de l'artiste Sarah Knox, et sa pièce Freezing, parue sur l'album Bridges. Et nous débutions avec la formation montréalaise Auto Melody, qui nous offre une musique mêlant intelligemment le synth-pop et le new wave. La pièce qui jouait se nomme Vacances à Maiori, et elle se retrouve sur leur second album, Surlendemain Acide. Vous êtes toujours à l'écoute d'Audiomatique avec les électronistes. Maintenant, poursuivons en musique avec cette fois le duo Morgan Stern. Rock. C'est fou, 89.1. Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatic, il s'agissait du duo allemand Morgenstern et la pièce Beasts de leur dernier album Two Different Faces, paru en 2005. Morgenstern est formé d'Andrea Borner, qui a fondé Morgenstern en 1994 et qui a été rejointe sur leur dernier album par Andreas Schramm, qui œuvre également sous le pseudonyme H-E, c'est-à-dire A-S-C-H-E. La prochaine pièce que nous allons écouter à l'émission Audiomatique en est une bien connue. Il s'agit de la pièce Closer de la formation Nine Inch Nails. Toutefois, la version que nous entendrons, fortement altérée par la formation Coil, est longtemps restée dans l'obscurité. On sait qu'à l'époque de l'album The Downward Spiral, les membres de Coil avaient effectué quelques remixes de certaines pièces de Nine Inch Nails, qu'on retrouve surtout sur le maxi Further Down the Spiral. Certains de ces remixes n'avaient pas été publiés et avaient été, pour ainsi dire, oubliés dans un tiroir. Aujourd'hui, pour rendre hommage à Coil, dont tous les membres sont décédés, l'étiquette de disque Cold Spring, en collaboration avec Trent Reznor, a édité l'album Recoiled, sur lequel on retrouve 5 remixes qui n'ont jamais été entendus. De cet album, paru en 2014, nous écoutons dès maintenant la pièce Closer, version intitulée Unrecalled, produite par Coil. You let me complicate you. Thank you. Nous terminions cette séquence avec une des premières compositions du projet Merzbow, soit l'une des 8 pièces sans titre parues en 1981 sur la cassette Collection 008. Masami Akita, l'artiste japonais derrière Merzbow, a débuté ses expérimentations sonores en 1979 en créant une musique concrète qui n'est pas sans rappeler la démarche artistique de compositeurs comme John Cage ou Karlheinz Stockhausen. Rapidement, M. Akita fait évoluer Merzbow vers un son très bruyant, participant grandement à la renommée d'un courant en musique actuelle qui se formera autour du terme « Japanoise ». Sur l'album duquel est tirée la pièce que nous avons entendue, l'artiste utilise pour créer divers instruments comme la guitare, le violon, la batterie, ainsi que des outils électroniques. Ce qui est moins le cas par la suite, alors que les nappes synthétiques fortement distorsionnées définiront le son extrême pour lequel est reconnu Merzbow. Sachez enfin que la pièce que nous avons écoutée se trouve sur l'album intitulé Merzbox Sampler, qui propose un échantillon de 10 pièces puisées à même le coffret comprenant 50 CD de Merzbow, publié en 2000 par l'étiquette de disque Extreme Records. Et la pièce qui entamait la séquence était une version de la pièce Closer de Nine Inch Nails, qui était retravaillée dans les années 90 par la formation Coil. Nous terminerons l'émission de ce soir avec I Am X, le projet de Chris Corner, aussi leader de Sneaker Pimps, qui nous présentera la chanson President, qu'il a lui-même remixée sous le nom de I Am X Accident Mix. On retrouve cette version sur le single de la chanson President, et la version originale de la chanson est parue sur le deuxième album de I Am X intitulé The Alternative, lancé en 2006. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié ces moments dédiés à la musique électronique. Nous vous invitons à consulter notre page Facebook à Audiomatique CFOU si jamais vous souhaitez réentendre nos anciennes transmissions. De plus, nous sommes rediffusés les samedis soirs dès 20h, ce qui vous offre une opportunité supplémentaire pour entrer en contact auditif avec les artistes que nous jouons ici. Enfin, n'hésitez pas à nous écrire si le cœur vous en dit. Notre adresse de courriel est la suivante: audiomatique@gmail.com. Voici donc I Am X et la pièce President I Am X Accident Mix. À la semaine prochaine.